Seulement dans cette vie que nous espérons en Christ. La Bible le dit. Alors, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance va au-delà du voile. Va au-delà de la mort. Dieu, nous le servons ici. Dieu nous accueillera là-bas. Déjà spirituellement, il nous accueille ici. Même quand le monde nous rejette, quand le monde nous refuse, lui a dit, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Et c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui l'a dit. Ne craignez rien. Croyez Dieu. Regardez à cet être invisible comme si vous le voyez. Dieu que les hommes ne voient pas. Dieu que la foi des hommes voit. Les yeux des humains ne le voient pas. Mais la foi des cœurs le voit. Croyons du cœur. De tout notre cœur. Dans la plénitude de la foi. Pleine assurance dans le cœur. C'est possible. Prions. Dieu bien-aimé. Nous nous présentons devant toi. En toute humilité. Ayant foi dans les promesses du Dieu vivant. Regardant à ta parole infaillible. Sachant que tu es le Dieu de réalité infaillible. Les choses de Dieu sont des choses vérifiables. Sont des choses et des faits véridiques. Qui n'ont aucune astuce ni ruse en leur temps. Qui ne peuvent qu'édifier. nettoyer nos cœurs lorsque nous le portons. Rends nos cœurs et nos âmes maintenant. Taille-les, façonne-les, mon Dieu. Pour être à l'image de ta parole dans cet âge mauvais. Mets-nous au diapason. Remets chacun à niveau. Pourquoi nous sommes en dessous? Mais c'est toi la main qui peut nous élever. Nous mettre sur le plateau du ciel. Dans les sommets auxquels nous aspirons. Tu es capable d'élever nos esprits. D'élever le niveau de notre foi. D'élever le niveau de notre puissance. D'élever le niveau de notre force. Père, tout cela est possible. Passe en scène maintenant. Car nous ne sommes pas venus pour nous-mêmes. Mais nous sommes venus pour toi, Seigneur. Prends le contrôle de nos âmes. De nos esprits et tous nos êtres. Et amène-nous aux meilleurs horizons. Dans une marche progressive. Que toute rétrogradation, toute faiblesse soit anéantie. Car tu es notre force sur le péché, sur la tentation, sur la maladie, sur le mauvais signe, le mauvais sort, les empêchements, les malédictions injustes. Tu es notre délivrance. Et c'est toi qui guéris. Le grand médecin Jésus guéris encore ce matin. Nous venons avec nos maux, avec nos douleurs, avec nos peines, les chagrins de cœur, pour que toi tu les soulages. Et toi tu les expérimentes. Tu nous donnes la joie et l'amour et la victoire au nom de Jésus Christ. Sois le secours pour chacun. Que cette réunion soit une merveille pour nous âmes. Un moment mémorable. Nous te prions d'entendre nos prières. Nous t'avons prié depuis nos maisons. Nous t'avons prié chemin faisant. Nous t'avons prié étant ici. Seigneur, tu as dit que nous puissions prier sans cesse. Et nous croyons que tu répondras sans cesse. Chose après chose. Et tu feras chaque chose bonne en ton temps. Faisant concourir toutes choses à notre bien. Oh Seigneur, fais voir à chacun son bien. Le bien que tu nous donnes. Dans chaque situation. Au nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu en toute humilité. Malachie chapitre 4. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Nous prenons le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Tala, na kotinde la bino mosakoli Elie liboso na koya na mokolo monene mpe na nsomo na Yahweh. Akobongola motema na batata epai na bana, mpe motema na bana epai na batata na bango eti. Na ye mpe na beta mokili na ekoeli mabeti. Acte des apôtres chapitre 4. Misala na bantu ma mokapo ya minei. Le verset 32. Mulonga tukusatu na mibali. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qui n'a. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et belé na bandimi bazalaki na motema moko, mpe na mwela moko. Soki moko na bango azi biloko, atangi yango biloko na ye penza te kasi. Biloko nyonso bizalaki na bango na lisanga. Ephésiens chapitre 4, verset 5. Ba Efesa mokapo ya minei mulongo ya mitano. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Nkolo moko, kondima moko, kobatisa moko. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Zambe apambola botangi elobanaye. Veuillez vous asseoir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à vous tous et chacun en particulier, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue à la table du Seigneur Jésus-Christ. Ce que lui donne comme nourriture est délicieux. C'est nourrissant. Et c'est encourageant. C'est fortifiant. Plus que tout le fortifiant que les plantes et la médecine peuvent vous proposer. Nous avons vendredi commencé à exploiter encore, creuser encore un peu davantage dans la deuxième mission de Malachie 4, verset 6. On a encore présenté ça en deux volets. La mission de ramener le cœur des enfants à leur père. Nabongo mkolo ya musala mitano to bandaki nde kokoba lisusu to kokota na muzindo na kotalelaka ntina ya mibale to makambo oyo itali eteni ya mibale na mulongo ya motoba ya malaki ya mukapo ya mine mulongo ya motoba yango ezali na biteni mibale. On a vu le premier volet. Mwana keteni ya liboso. Ramener le cœur des enfants à leur père. Uzongi sa motema ya bana fa na batata. C'était ramener l'unité de l'Église de Dieu. Ils allaient dire qu'aux hommes qui s'abomoko y a Église en Zambie. Un travail ardu. Musalamoko makasi. Qui serait difficile voire impossible pour un homme. Et koki komoni ça m'a passé et koki ko salé maté pona mutu. Et frère Branham qui avait cette mission de ramener le cœur des enfants à leur père. Ne comprenons moi ça qui n'a le tomba et quoi y a qu'aux hommes qui s'accompagnent et maillabane pas la bataille. Ramener le cœur de croyants de ce temps-ci. Aux hommes qui s'accompagnent. Au cœur des pères apostoliques du temps de la Pentecôte. Tema ya batata oyan. Il a dit, j'ai essayé tout ce que je pouvais pour amener l'Église à cette unité. Il n'y a que la main de Dieu. Il faut la main de Dieu pour y arriver. Il faut la main de Dieu pour y arriver. Et je suis confiant que nous y arriverons. À l'unité de l'Église. Le message a donné toute la matière. Vous êtes instruit et enseigné là-dessus. Vous savez comment orienter vos cœurs pour atteindre le but que Dieu attend de nous. Ceux qui veulent marcher dans la voie du Seigneur, réussissent. Mais ceux qui prennent les choses de Dieu comme les aventures, vous échoueront. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et c'est lui Dieu qui écrasera nos ennemis. Même le démon redoutable appelé division, Dieu l'écrasera. Moi j'ai confiance en Dieu. Dieu réussira cette unité-là. Il l'a inscrit dans son programme. Dans il a chargé les Ephésiens 4 de le faire. Dieu l'atteindra. Même si un grand nombre va se compromettre, mais je sais que même une petite minorité amènera la minorité de l'épouse de Christ à cette unité-là. Aussi sûr que nous nous tenons ici. Êtes-vous là? Et nous avons lu ces choses vendredi. En quel point mon frère Branham nous en a parlé pour nous édifier. Alors il y a un bien-aimé qui m'a posé une question. Il a dit mais pasteur, la prédication de vendredi, mais comment nous pouvons être d'un même cœur avec des gens avec lesquels nous croyons pas la même chose? J'ai dit, c'est justement ça, la leçon du progrès spirituel. Nous ne devons pas rester dans ce que nous savons, juste ce que nous pensons, tel qu'on y a toujours passé. Mais nous devons creuser cette vérité et entrer dedans. Qu'il est possible d'avoir un même cœur. Avec des gens qui croient différemment. Possible. Mais comment? Alors, ne serait-ce pas incohérent? C'est ça justement. Entrons dans ça. C'est possible. Dieu peut le faire. Vous croyez ça? Premièrement, Dieu dit ceci. Dans Matthieu au chapitre 5. Il dit, oh, Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ma pamboli et pas une abapoti, dans mon thème, Zambi, ma commande en Zambi. Avez-vous déjà vu qu'ici dans ce verset, le cœur est mis au singulier? Aussi le commande était dans mon longo et balobi mon thème à moko, mité maté. Avez-vous déjà remarqué? Aussi le colander les mots malam. Le Seigneur parle de ceux pluriel. Colo lobi babo. Le cœur singulier pur. Ceux-là verront Dieu. Il n'est pas écrit heureux ceux qui ont la même doctrine. Car ils verront Dieu. Mais c'est clairement écrit heureux ceux qui ont le cœur pur. Quel que soit leur nombre. Quel que soit leur emplacement. Leurs adresses. Les rages. Mais tous ceux qui ont le cœur pur. Ils sont bienheureux. Ils sont bénis. Et ce sont ceux-là qui verront Dieu. Or, pour que tous ceux-là pluriel aient un cœur pur, identique, similaire, le même cœur. Pète bango nyonso wana. Il faudra que chacun d'eux ait reçu ce cœur-là de la part de son Dieu. Et le Dieu de celui-ci est le Dieu de celui-là. Le même Dieu qui définit le cœur pour singulier, il sait ce à quoi il pense quand il parle du cœur pur. Quelle que soit votre religion, votre église, le lieu où vous allez prier, les appartenances religieuses, c'est tout cela. Un cœur pur. Et pour avoir un cœur pur, il faut que Dieu seul le crée en vous. Nous répétons la prière de David ici dans les psaumes 51. Verset 12. Oh Dieu, ça c'est David qui prie et n'importe qui aussi peut prier. De la même manière. Si vous êtes sincère et que vous voyez la valeur d'un cœur pur, vous allez les réclamer. Vous ne voudrez pas que votre Dieu est mauvais cœur, un cœur méchant, pervers. Crée en moi un cœur pur. Est-ce que ce verset n'est que pour vous qui entendez parler du message de Frère Branham et que les autres églises ne peuvent jamais les lire ni réclamer une telle chose auprès de Dieu parce qu'ils sont des dénominations? Cette Bible n'est-elle pas lue dans toutes les églises chrétiennes? Ce verset ne peut-il pas être exploité par n'importe quel croyant? Peut-être que toi, dans le milieu du message, tu négliges ça. Tu ne t'en préoccupes même pas. Tu ne demandes même pas à Dieu un cœur pur. Ils fréquentent des assemblées de messages, mais la méchanceté est outrancière. Des méchants voisins. Munoko Beli Beli. Mais ce sont des frères du message. Or, autant de frères Branham, on venait Complimenter frère Branham. Les gens qui fréquentent votre église sont les gens les plus gentils et les plus aimables que l'on puisse rencontrer. Et Frère Branham se sentait honoré par ce témoignage. Et il venait aussi répercuter ça à l'église. Et dit, voilà ce que signifie être salé. Jésus a dit, soyez le sel de la terre. Il dit, j'aime entendre ça. Que le nôtre soit les gens les plus gentils et les plus aimables que vous puissiez rencontrer. N'est-il pas écrit au sujet de l'église primitive? Comme on l'a lu vendredi même dans Actes chapitre 5. Que le peuple les louait hautement. Les saints d'autrefois n'étaient-ils pas loués hautement par le peuple? Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais c'était des gens exemplaires. L'évangile a produit ça au premier âge. L'évangile a produit ça au temps de Frère Branham. Mais après Frère Branham, à cause des divergences de doctrine, il y a des frères qui ne peuvent même pas donner un verre d'eau à leurs frères parce qu'ils ne croient pas comme lui. Dites-moi, est-ce que c'est ça un cœur pur? Je sais de quoi je parle. Cette histoire des tonnerres révélés et non révélés, mais ça fait des dégâts terribles. Ça a causé même des divorces dans les foyers. Et ma cambo oyo, il y a bancaque monisamité, et ça lui m'a cambo somo. Peut-être plusieurs d'entre vous que nous avons baptisés ces dernières années, vous n'avez pas connu cette vague. La rupture de cela. Bah, monsieur, ce le degré de haine que ça mettait dans les choses. Ma cambo y a bancaque. Un frère vient chez un autre frère. Et ne voyez pas de des faucons. Nous, nous sommes des aigles. Vous n'avez pas la révélation. Et c'est pour ça que vous avez dit. Sors ici. Eh, bima, non. Je ne sais pas faire de faire. Quel est le beau? Maï, des foyers ont été brisés. Ma bala et panzana. Des enfants se sont retrouvés de quoi sans mère ou sans père. Banabazouamaki, tata zalito, maman zalité. Voyez frère, à cause de cette histoire. N'a boubelé dans les cambouis, vous m'en avez battu. Et maintenant, ça s'est dit. Comme l'ennemi ne se fatigue pas. Donc la mungouna l'embakate. Après cette histoire-là. Ici, manali cambouana. Les tonnerres révélés, non révélés, voyant que les gens ont compris que ce n'était pas la préoccupation du prophète, de diviser les gens en tonnerres révélés et non révélés. Maintenant, ils ont cherché la guerre de leadership. Qui doit conduire le successeur de Frère Branham? Et c'est ce qui ronge maintenant. En 2006, lors d'une convention organisée ici à Maman Marie-Antoinette au bout de la salle de 13e rue à Limité. Et c'est cette petite voix qui nous a souvent parlé qui a dit de convention et de lutte. Hein? Guerre de leadership. Conflit de succession. Guerre des tendances. Sois un témoin de ce qui se passe. Frères, je ne peux pas me ranger d'un côté dans un camp contre un autre. Je suis censé être un témoin. Mais dire à toutes les parties du corps de Christ. Tous les frères et tous les camps qui se divisent là, que vous êtes frères, arrêtez de créer des histoires qui vous divisent. Nous avons la préoccupation de la santé du corps de Christ. La bonne santé est le ça fait partie des attributions du ministère pastoral. Nous voulons que le corps de Christ soit en bonne santé. Que l'épouse de Christ soit en bonne santé. Et non seulement un endroit pour une assemblée locale, mais pas le monde entier. Arrêtez de vous quereller. Autour de nom des serviteurs de Dieu. C'est celui-ci qui doit conduire. Lui, il a fait ceci. L'autre, il a traduit le message. C'est lui qui est le plus répandu dans le monde. Arrêtez. Il y a un seul message. Cherchez un cœur pur. Dieu n'a pas dit heureux ceux qui ont la bonne doctrine, ce sont ceux-là qui verront Dieu. Il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Et quand Dieu juge, il est le juge, lui qui sonde le cœur et les reins. Il dit ceci dans Actes des Apôtres ici, chapitre 10. Acte chapitre 10 ici. Il dit verset 34-35, vous le connaissez. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Amen. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est payable. Kasikati na mabota nyonso. Oyo, ako banga kayempe, kosalaka boyenge bene, ayambami na ye. En toute nation. Mabota nyonso. Vous voyez que ce n'est pas le problème de vos religions. Notre religion croit comme ceci. Faites ce qui est juste devant Dieu. Je vous rappelle ce qu'on a lu. Dans la divinité expliquée, nous avons évoqué ça en passant vendredi. On peut les lire ici. Divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961. Les paragraphes 103 et 104, tradition de la voix de Dieu. Maintenant, je dis à frère Tisme et à frère Ness pour répondre à votre question. Je dis, maintenant, je ne prends parti pour aucun groupe. Moi aussi, je ne prendrai parti pour aucun groupe. Nous voulons l'unité des frères. L'unité des cœurs. Chacun cherche un cœur pur. Si quand ma rancunier, vous avez un comportement conflictuel, la clan, la tribu, l'assemblée. Est-ce que vous signez? Ceux qui n'ont pas de famille, ils n'ont pas de famille. Mais pas dans l'église de Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai embêté? Lorsque tous les animaux étaient dehors là-bas, au temps de Noé, ils pouvaient se tirailler, le loup et l'agneau ne pouvaient pas rester ensemble, brouter ensemble. Mais quand ils sont entrés dans l'arche de Noé, tout le monde est devenu doux. Ils ont cohabité. Et je sais que tant que vous vous disputez, dit Frère Branham, vous avez tous les deux tort. Vous vous disputez pour avoir raison. Vous avez tort tous les groupes là qui Vous avez tort tous les Voyez, en effet, je préférerais avoir une doctrine fausse. Et le cœur juste. Préférez d'avoir la doctrine juste et le cœur faux. Voyez, et j'ai dit, après tout, c'est l'état de votre cœur. Faisons une pause ici. Hébreux chapitre 12, il dit quoi? Au sujet de l'état de notre cœur. Mes chers amis, nous devons veiller à ces choses ici. Veiller à l'état de notre cœur. Je suis allé là où il est parlé de l'infection. Non, c'est plutôt Hébreux chapitre 3, verset 12. chapitre 12, verset 12 du chapitre 3. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Bandeko, bokebaka ete motema mabe, pe kozanga kobima ezala kati na moko na binote ete atangwa na nzambe na bomoi. Dieu te montre la bonne voie à suivre. Zambe akotali sako nzela. Dieu te dit comment faire. Zambe na bino lengi. Mais à cause d'un cœur mauvais. Ase nantina na motema mabe. Un cœur plein d'incrédulité. Zambe tandu. Non, on garde la vieille mauvaise nature et on se détourne de Dieu pour suivre sa propre voie. Dans l'église du Seigneur, prenons garde que personne ne soit comme cela. Si vous détectez un frère ou une soeur qui a ce genre de cœur, en tout cas, il est temps, il est urgent de venir à son secours. De commencer de prier un temps sans sa faveur. Ce qui À quoi bon vraiment? Voilà mon ami, on trouve des frères. Moi, si n'ayez pas qu'à salaire n'a été. Moi, n'a pas fait malin. Bisalé liya bongo et outi wapi. N'a bon Christo? Mon thème, wana. Yo frère, vous ouvrez salaire. Moi, si n'ayez pas qu'à salaire n'a été. Mais tu es un frère. Bilétain de pays, dit ma kate, kaka n'a kate, ma chaussette. Ils ont battu ma kate, ma chaussette. La chaussette, vous êtes bilétain de pays, n'a kate. Et tu veilles à ce que tout soit gâché. Et ça, mon thème, Yamala mwana. Bon, si tu le bélu en moi, tu es. Nana, tu es. Taïe, ouan, ouan, la galibanda. Ah, mais quand on se remet. Ya! Bissonam, madame, la chicasse, la aigle. Tomatakalikoro. Tomatakalikoro, n'a pas été mwabe. Tika, bote, mwabe. N'a fait l'oiseau fin à la terre, n'a pas. Ozo, quand il se mouille, il se mette. Ozo, bête. Ouan, tika, mwate, mwabe. Un frère violent. Des compétences. Tu n'as jamais changé. Non, non, bon, moi, agressif. Yo, bête, t'as pas papa. Mais tu es comme ça, ma bé. Ah, ouais. Nous connaissons Azawate. Il y a un aïe au bête, la gamme, Azawate à côté de la gamme. Bête, il y a un peu de temps. Voilà, voilà, la gamme, t'es malade. Voilà, non, frère. C'est pas bien. Voilà, malade, t'es. Tout est comme ça, ma bé. Amen. Toti kaka motema mabe. Amen. Na yo sero, zo motala vende kotonga mobali na yo. Kotonga yo sike no posu. Omo la kingani, kose di fule. Omo la kingani, pati nangaji. E probleme boye. O frere wana, omo na kaye boye bagaye biente. O si li si lo kumu daye nyonso. Tango azo bima komega posu angu mese pola nango. Likolo na yo. Wana pe motema la. Sete sere ki fere chose gomza. Na motema la. Il faut mon tuna mutu bisope to singe lawa mon côté azala kana motema mabe. Amen. pona kosalaka mabe kolobaka mabe elobeli mabe totika yango. C'est la Bible qui le dit ici. Nous pouvons chacun avoir un cœur pur. Un cœur pur ne se dispute pas. Êtes-vous là? Vous allez voir. Faut pas entrer dans des disputes. Un jour, je pris un bus Transco. En sortant de chez moi, là, je sortais par transport. J'ai regardé, il n'y avait pas de taxi du Nord. Je suis pressé. Non. J'ai vu un Transco qui venait, je suis entré. C'était des victoires. Transco qui est la victoire. J'entre, mais t'as la batte, tourner le couloir. Place de mon fan des athées. Batte, télé, canalé, canalé. Il y avait l'espace qui est juste après le passage là devant le caissier. Et ça qui n'a si qu'à gobelé, si qu'à la moutoua, j'en ai mis sur l'oeil. Alors, je suis entré. À côté. Et dès que j'ai payé, t'as la foutu. C'est là-bas, on a Transco système, au côté, au côté. Ce qu'on faut dire, Bangando va au Kangayo. Donc, on va faire des choses. Je ne sais pas comment on va faire des choses. Mais trop tard, déjà, on est remis. Je paye mon ticket. Tu entres, tu payes directement. Je viens garder le ticket pour le contrôle. Je suis passé et je me suis tenu debout. J'ai regardé le bar qui est au-dessus, j'ai tenu. Mais le caissier a commencé à. Oh, papa, le mot content que tu prends. Moi je l'ai regardé. Le secteur. Oh, j'ai regardé, je vais passer par où d'abord et tout. Mais c'est impossible. Mais papa, rémission, où t'as la carte, c'est un passage, place au bâtiment de la carte. Oh, il m'a dit. Mais je l'ai regardé. Le secteur là, ouais. Après, il dit, chauffeur à faire où, t'as la papa où, et où il y a un problème à où. Il a, le chauffeur, papa, après, il a dit, papa, tu vois, il s'est où, où t'as la carte, où t'as la carte. Mais j'ai dit, partout c'est plein. Mais ici, Bango est tondi. S'il vous plaît. Faut faire bien le mot. Faire le chauffeur dans le rétroviseur. Oui, on sait l'accident. Et tondi qu'on a. Même moi, pour les gens, c'est battu. Ça n'est pas partout. Où on est placé, on a battu la magasin, on a battu la magasin, on a battu la magasin, on a battu la magasin. Mais pas qu'on a battu la magasin. On s'est fait ici. Oh, papa, tu l'as mis tout ce que nous avons là. Oui, mais nous n'avons pas de problème. On va lui. Alors, pour ne pas les laisser parler trop, je lui ai dit juste calmement. N'a soit n'a gâté. C'est-à-dire, il a touché la tête. Il s'est retourné sur son fauteuil pour la fin du nid. Le débat était fini. La Bible a dit, une réponse douce calme la fureur. Bible a dit, c'est quoi, il y a de l'humour dans vos problèmes. Et qu'on quitte la canne. Chauffeur a juste, voilà, attendez le bosson. Bon, vous, allez, on est parti. Okay. C'est fini. Voyez frère, comment dit-il? Quand il y a un esprit de dispute, soyez sur vos gardes. Ne vous laissez pas entraîner. Et même ma camabé, ça entraîne une influence. Ce qu'on va vous dire, maîtrise, au même outil. Vous allez commencer à dire des histoires ici. J'ai dit seulement, Ngaï na soit nakati. C'est-à-dire, si vous voulez continuer à parler, il est libre de continuer à parler. J'ai déjà donné la petite réponse à lui de voir. Il n'y avait pas de place. C'était fini. Et on est allé. Dans les cas. Après un temps, les gens sont entrés, il les a mis sur les escaliers du bis. Ils ne sont plus venus de ce côté-là. Ils sont libres. Moi, je ne veux pas entrer dans leur façon de travailler. Mon objectif, c'est d'atteindre victoire en criminalité. Victoire. Vous voyez, bien-aimé, ce sont des réalités qui se passent ici. Il faut des fois y entrer pour palper ça. Vous dites jamais les Solouanes. Dans la réception, nous avons bêté les Solouanes. C'est ce qui se passe. Tant que vous entrez dans les Transco, ne vous chamaillez pas. Votre pasteur y entre aussi. Non. Soyez calme. C'est amen. Amen. Tant que vous vous disputez, tous les deux vous avez tort. Soit qui vient de me balayer vos alcools, oh, quoi, il est la place, bise, y est bousculé, oh, y a ni, et y est froid. Nous allons la conduire. Frère, des fois vous dites, oh, bise, y a ce qu'il y a mal. Non. Ne vous précipitez pas. Quand vous avez foi, je vous dis de ce que j'ai expérimenté plusieurs fois. Quand vous voyez que vous êtes à bout, il n'y a pas de solution de transport. Terminez la prière. Et bon, dites. Seigneur, tu as dit dans ta parole, ceux qui aiment le Seigneur, on les transporte dans les graisses. Et que bah oui, bah Pesanga et Sengo, il y a pour me déplacer. Na kenda pesanga. Mais tu peux voir même avec il privé venir ne te prendre de toi. J'ai déjà fait ça plus d'une fois. Tu brilles quelques temps après, véhicule Mogoye. Tu es connecté au roi du ciel. Attends, le gars ne fera pas si vous allez gagner. Ayez vous distinguer. Ayez foi en Dieu, s'il vous plaît. Vous pensez que c'est impossible? Oh, mais je sais faire les pieds. Et je sais aussi accélérer avec mes pieds. Les véhicules sont faits de mains d'hommes. Ils peuvent tomber en panne. Parfois, ils peuvent être en bon état, mais on peut aussi, selon la conduite, prendre les transports. D'ailleurs, la plupart des temps que j'ai surpris des gens, c'est dans les transports en commun. Quand je me conduis comme ça des fois, ok, au Kanga frère Mouna, conscience. Il n'a pas eu le temps d'apercevoir la jupe du pasteur. Surtout quand vous avez le moteur de Bossoane, qui ne sont moko, vous avez le bâtiment, vous avez le bâtiment. Tu as le temps de changer même d'itinéraire. Allez! Voilà, vous dites, ah, vous avez le bâtiment, vous avez le bâtiment. Vous avez le bâtiment, vous avez le bâtiment. Shalom, frère! Voilà! Ça y est, j'ai eu mon gars. C'est bon, les deux sont bénis. C'est bon comme ça. Voyez frère, l'esprit de dispute n'est pas bon. Tout dépend de l'état de votre cœur. Il dit, j'en ai fait une pratique de savoir ceci. Que si un homme, peu importe ce qu'il fait, et combien il est en désaccord, et ce qu'il dit de moi, si dans mon cœur, pas juste par un devoir, mais si de mon cœur, je ne peux pas aimer cet homme autant que j'aime n'importe qui d'autre, alors je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici chez moi. À l'intérieur. Vous voyez? Vous avez compris cette pensée? Vous pouvez être en désaccord, je ne sais pas combien de degrés avec un homme. Et il peut avoir la langue blessante pour dire n'importe quoi. Votre homme dit que lui en a fait une pratique. Pour veiller sur l'état de son cœur. Toi aussi faisant une pratique. Veille sur l'état de son cœur. Quel que soit ce que cet homme dit contre toi. Quel que soit le degré dans lequel vous êtes en désaccord avec lui. Si ton cœur est juste, si ton cœur est pur, si ton cœur est pur, tu devrais l'aimer de la même manière que tu aimes n'importe qui d'autre. Quel que soit ce qu'il ou elle dit contre toi. Toi, tu vas l'aimer. De la même manière que tu aimes la personne qui ne dit rien contre toi. Sauf le sourire, rien. Tu vas l'aimer de la même manière. Si ton cœur est juste. Si ton cœur est pur. Si ton cœur est bon, même s'il ne fait que dire des choses qui vous aiment, votre cœur est à vous, doit être juste bon. Pour aimer cet homme-là, aimer cette femme-là, exactement de la même manière. Mais tu aimes n'importe qui d'autre. Si tu te sens incapable de l'aimer comme ça, c'est que toi, il y a quelque chose qui ne va pas, non pas chez lui, mais dans ton cœur à toi. C'est toi que ça ne va pas. Donc le problème c'est toi. C'est pas lui. C'est toi qui es censé montrer un cœur pur. Un cœur bon. Est-ce qu'elle est juste? Il va aimer quels que soient les désaccords. Maintenant, avec ça, chacun peut voir en direct, hein? Même vous qui nous suivez en ligne, vous pouvez voir, séance tenante, si ton cœur est bon ou mauvais. Un cœur mauvais va se tordre comme un serpent. Quand on l'amène dans la mauvaise direction, lui aussi va comme cela. Il va se pencher, il est comme ça. Il le sera. Haineux, rancunier, conflictuel, colérique, révancheur, un cœur mauvais. Il deviendra un indifférent. Bonjour. Motema mabe. Ils ont qu'on soit répondre bonjour na mutude. Ils ont qu'on mis ça malobaté. Motema mabe. Voyez ça? Bon, nous, voilà. Motema mabe. Mais toi, aie un cœur pur. Yo, zalane na motema na pe. Aie un cœur bon et honnête. Zalane na motema mala mupe. La Bible t'exige cela. Bien de Seigneur yango. Je répète, la Bible t'exige. Mais dans la zone de l'être, il y a des gens qui ont gagné un affaire à sauter. Il y a des gens qui ont gagné un affaire à sauter. Il y a des gens qui ont gagné un affaire à sauter. Il y a des gens qui ont gagné un affaire à sauter. Il y a des gens qui ont gagné un affaire à sauter. L'amour, c'est la plus grande force que Dieu a donnée. Tu aimeras cette personne sans condition. De la même manière que tu aimes la personne qui parle en bien de toi. Mais si tu te sens comme le verset, tu es même incapable d'offrir l'amour. Seulement parce que tu as appris que l'autre là a dit du mal de toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans ton cœur, à toi, je te le dis en direct. Un cœur mauvais. J'ai reçu l'obligation de veiller à ce qu'aucun de nous n'ait un cœur mauvais. Vous pouvez. C'est que tu as dit que tu as dit ndangu na woloba ezalia ofandia wana banzota batwa mitemo abango efandia wana mitemo batwa incapable d'offrir l'amour à celui qui le fait du mal asali na makokita ya kolinga muto asala ka ya asala ile mabe parce que ce cœur là n'a pas Dieu qui est amour pete motema ya mabe boyi ezali si l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu vas aimer même tes ennemis ce qui bolingo na nzambe sala motema na yo kolinga taba yini na yo. Tu aimeras même les gens qui ne t'aiment pas. Si tu te sens incapable, c'est qu'il y a un problème ici à l'intérieur. C'est toi le mauvais. Tu as raté l'occasion de faire du bien. Tu as raté l'occasion de refléter un cœur bon. De refléter Jésus-Christ. Il était doux et humble de cœur. Il a aimé même ceux qui les haïssaient. Il a fait du bien même à ceux qui parlaient mal de lui. Mon ami, change ton cœur. Faites-en une pratique. Faites-en une pratique. Je vais vous montrer une pratique. Le chrétien n'a pas besoin de ça. Mais vous voyez que si toi tu as un cœur pur, malgré ta religion, le nom de ton église, celui-là aussi a un cœur pur. Et c'est de Dieu que c'est venu. Dieu a pu toucher quelque part pour que ce cœur soit ajusté. Parce que Dieu va dire, parce que vos doctrines sont diamétralement opposées, je vais prendre l'un et pour rejeter l'autre. Alors qu'il a promis que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Va-t-il violer ça à cause de divergences de nos cris? Vous êtes certain que Dieu ne va pas violer sa promesse? Il sera pour son plaisir à qui? À celui qui est accro de ses doctrines? Et incapable de faire du bien, de vivre en bien? Mais il fait bien décrire la doctrine. Mais sa vie est impure, souillée. Son langage est impur, profane, souillée. À quoi bon Dieu regarde sa parole. Il ne fait point favoritisme des personnes. Il fait point exception des gens. Lisons les commentaires des frères Branham encore. Balestarmont s'est rangé du côté de Jésus-Christ. Fêché le 1er juin 1962. Et paragraphe 66. Dieu honore toute personne qui est sincère. Amen. Même votre prophète le dit comme ça. Est-ce que les toutes personnes là, c'est seulement dans les entreprises du message? Il dit, toute personne qui est sincère, Dieu l'honorera. C'est le message qu'il dit. Message qui nous ramène à l'unité. Qui veut nous voir d'un seul cœur, d'un même accord. Comme l'Église était au commencement. Dieu honore toute personne qui est sincère. Dieu a dit cela. Il a compris que Dieu ne faisait exception de personne. Toutes les nations qui invoquent quand chez Corneille, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, comme on l'avait reçu au commencement. Dieu ne fait exception de personne. Nous voyons une personne dans toute sa sincérité être sincèrement dans l'erreur. Mais si elle est sincère, Dieu la conduira à la lumière quelque part. Elle viendra parce que Dieu est obligé de faire cela. Amen. Si cette personne est sincère, c'est que dans son cœur, il y a quelque chose de juste. Elle cherche à plaire à Dieu d'une certaine façon. Mais elle peut être sincèrement en erreur doctrinale. Parce qu'elle n'a jamais entendu aucune autre vérité pour qu'elle puisse montrer sa colère face à la vérité. Depuis que cette personne est née, on lui a habitué à lui dire toujours les mêmes histoires dénominationnelles. Mais dans son cœur, elle est sincère. Et Dieu est celui qui sauve le cœur et les reins. Mais cette personne Dieu se fait, Dieu l'honorera. Parce que Dieu ne fait pas accession de personne. Il amènera cette âme-là à la vérité. Voyez que le problème, c'est l'état de votre cœur. Le cœur faux, le cœur pervers ne trouvera pas le bonheur. C'est la Bible qui le dit dans le proverbe. Non, mon thème, ma ben, yo, ogoso ganali felo. Yé baka ngo déjà pe miye bela. Non, mon thème, ma ben, wano, bon baka, ogoso ganali felo. Il est temps de changer le cœur. La repentance, c'est aussi changer le cœur en d'autres termes. Acte 2:38 l'a dit, changer le cœur. Dans une tradition, là où on dit, repentez-vous. Changer le cœur. Vous devez changer votre cœur. Ne gardez pas le cœur mauvais. Dieu honore les personnes sincères. Votre cœur est droit. Si votre cœur est sincère. Et vous voulez un cœur pur de la part de Dieu. Dieu vous conduira à la lumière. Même si vous marchez dans les ténèbres. Pendant quelques années ou une période de temps. Pendant un parcours de votre vie. Dieu qui honore les personnes sincères, il ne vous conduire à la lumière. Il ne fait point exception des gens. Voilà ce qui peut aider les croyants d'aujourd'hui s'est disposé pour l'unité de cœur. Et que la chose que Dieu a prévue n'est pas une chose impossible. Il a déjà réussi ça dans le premier âge. Le cœur était tellement hein que les hommes priaient d'une seule voix comme s'ils étaient un seul homme. Aussi nombreux qu'ils étaient rassemblés là. Et Dieu a donné un signe d'approbation. La terre où ils étaient rassemblés, pour dire que Dieu était là pour faire la vie. Ayez foi en Dieu. Ayez cherché un cœur pur. Tous les frères, toutes les sœurs. Toute l'église, ça concerne chacun de nous. Ayons un cœur pur. Vous entendez? Dans le sermon Egida. Du 14 octobre 1962. Nous lisons au paragraphe 13. Le guide ne va pas amener un dans cette direction-ci et un dans cette direction-là. Mukambi a comme mon mututé, n'angambo mususu, il ne nous diverge pas. Les divergences viennent du comportement humain. Bukaboni ezalimiere mu, nulenga kubikula. Ce sont nos mauvais cœurs qui nous amènent dans des directions multiples. Ezalimiti manabiso ya mabende ezaliko meme biso. Mais le Saint Esprit lui conduit les âmes vers toute la vérité. Le Seigneur a dit clairement dans Jean 16 que quand lui le consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'amène pas ses brebis dans ministère de direction. Mais ce sont les credos, les dogmes, les accrochages des hommes. Il les amène dans les diverses directions. Comme il est écrit, nous étions tous comme des brebis errants. Et mon cœur avide de trouver que le malheur. Et où sera la main puissante qui va passer le arrêter sur cette porte. Quand tu es sans guide, tu iras n'importe où. Mais quand le guide est là, il te conduira dans toute la bénédiction. Au-delà d'un cœur pur. Il te faut le guide. Le Saint-Esprit qui forme l'unité de l'Esprit. Nous l'avons entendu vendredi. Il nous faut ça. Dans le Saint-Esprit, l'unité. Et il y a un seul Saint-Esprit. Alors ce guide-là ne va pas amener. En amenant un dans cette direction et un autre dans cette direction-là. Vous en envoyez un à l'est. Et l'autre, à l'ouest. Voyez, il va vous garder ensemble. Quand lui a le guide en lui, moi le guide en moi, lui là-bas, le guide en lui, lui là-bas, il a obéi Dieu à sa façon, comme disait Frère Bonhomme vendredi. Et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Il a donné le Saint-Esprit là-bas. Il a donné. Vous n'irez pas dans mille directions différentes. Vous serez tous conduits vers la vérité. Et il vous tiendra ensemble parce qu'il a la mission de rassembler tous les enfants de Dieu dans un seul corps. Croyez-vous de tout cœur? Jean chapitre 11, verset 52. Donc verset 51-52, voit bien la passer. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alors, quand tu vas voir Nantina, na yemo kote kasi mpote, asala kinde nganga monena na elanga yango mpe, asakola kiete koke kina Yesu ete akufa mpo na libota. Nde, Bubele pona libota mokote nde ete ayanga ni sabana na nzambe ba oyo ba palanga ni sami ete bazala moko. Excusez-moi. Voyez le but de Jésus-Christ. Bomoni tina na Yesu Kristo. Ensemble. Na liwa na ye. Pour rassembler dans un seul corps. Wana ko sangisa na nzambe moko. Tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Bana nyonso na nzambe oyo ba palanga ni sami. Et le Saint-Esprit qui vient après lui. Mpe mulimu santo asali ko yana sima na ye. Comme il l'avait prédit lui-même. Mokole ye moko asila ndeko. On peut le relire dans 1 Corinthiens chapitre 12. Tukoko tanga yango na mukanda liboso na bakolinchi moko. Il a dit ceci au verset 13. Alobi boy na mulongo azo na misa. Nous avons tous en effet été baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. La mission du Saint-Esprit. Jésus est mort pour ça. Le Saint-Esprit parachève cela. Jésus-Christ est mort pour ce but-là. Le Saint-Esprit réalise cela. En baptisant tous dans un seul corps. Zambi bisonyon se te pati sami nan zote moko kati nan mouli moko. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Soko ba yuda, soko ba yela, soko ba ombo, soko ba somi. Bisonyon se te meli sami nan mouli mou yango. Ce guide ne vient pas pour nous égarer. Kambiama, c'est pas ni pour nous diviser. Pas la koko bola bison. Ou nous faire grimponner chacun dans son petit coin, dans son corps. Pas pour kambisa moko na moko na eteni na yeto. Il vient pour réunir en un seul corps. Ça ne peut pas la koko kambisa na zato. Tous les enfants de Dieu. Mais non, mais comme de basse lumière, c'est pas l'angana. Tu t'amènes l'église. Je vais te faire révéler mon mot ecclésia. Donc le guide. Ne va pas en amener un dans cette direction-ci et un autre dans cette direction-là. Et en envoyant un à l'est et l'autre à l'ouest. Non, il va vous garder ensemble. Et si seulement nous laissons le Saint-Esprit nous garder ensemble, nous serons un. Seulement nous laissons le Saint-Esprit là. Nous garder ensemble. Ceux qui veulent être côté comme lui, nous sentons où abattre la vie. Prier chacun ses propres prières. Pour qui ça car moko na moko te oyé azali kokanisa. Nous serons un. Tukozalande moko. La vérité c'est là. Solo ezali bongo. Nos dénominations nous divisent. Nos églises nous embrouillent. Et nous avons toujours été les conducteurs qui ont toujours été embrouillés et qui ont embrouillé les gens. Donc c'est pour ça qu'on a été ezali bobele bakambi. Des connecteurs et même embrouillés. Ils vont leur embrouillement aux autres. Mais nous laissons les guides de Dieu. Le Saint-Esprit unique là. Vous serez là-bas. Voilà ce qu'il y a. C'est pas impossible. Et si nous ne laissons pas le diable nous entraîner sur la mauvaise route, avec le glissement des sentiments et les escalades verbales, c'est parti. Si vous ne laissez pas le diable vous entraîner là, c'est une mauvaise voie. Le Brenham dit, nous serons d'un seul cœur. Et d'une seule pensée. Par un seul esprit. Le Saint-Esprit. Le guide de Dieu qui nous conduira dans toute la vérité. Quelle pépite d'or. Quelle vérité profonde. Ne laissez pas le diable vous entraîner sur une mauvaise voie. La voie du Seigneur, c'est l'unité du corps de Christ. Voulez lui dans la Bible, c'est ce que Dieu pense faire vraiment. Il a dit, Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. Yesu alobi te wa ngai ko sangana elongo na ngai unte apalanga. Lui Jésus veut rassembler, il travaille au rassemblement. Yesu ngai ko sala pona. Mais il y a la main de l'adversaire de Jésus. Yesali na le popo ya motele. L'ennemi de Jésus. Munguna na Yesu. Il vient pour diviser et disperser. Ya ya kapana ko kabola pe ko palanganisa. Et vous les brebis du Seigneur. Kabina ba patel. Le problème de Jésus. Ba indimi na Yesu Kristo. Vous laissez pas entrer. Bomiti katete bo kamba. Ce gadam pemba. Yesu na kadam. Dirin mo pesa moi. Nanjela ya mabili. Gadam pemba Satan. Satan. Ne le suivez pas. Ne le laissez pas vous influencer. Et intoxiquer vos humeurs. Envenimez votre cœur. Satan serpent entier. Ne l'écoutez pas. Ne l'accueillez pas. Ne le suivez même pas. Écoutez la voix du bon berger. Il veut que tous les enfants de Dieu disent parfait. Nous ne voulons pas. Mais si vous laissez que chacun soit conduit par le même Saint-Esprit, c'est facile, nous serons un. Nous serons un seul cœur. C'est ce que dit le message. Le message de restauration. L'homme qui a reçu mission de ramener le cœur vous dit ça. Vous ne contestez pas, croyez. Rendez votre cœur du côté de sa vérité ici. L'unité du corps n'est pas du tout impossible. Mais c'est très facile. Que chacun cherche un cœur pur. Que chacun expérimente la compatence selon Dieu. Il aura un cœur bon et honnête. Un cœur changé par la grâce du Seigneur et dans la parole de l'Évangile et dans son cœur là Dieu viendra habiter et nous serons un. Rien de compliqué. Il n'y a pas chez Ali Wanati. Rien de compliqué. Il n'y a pas chez Ali Wanati. L'unité sera restaurée. Il dit, Alobi. Si nous ne laissons pas le diable nous entraîner sur la mauvaise voie, nous serons d'un seul cœur, d'une seule pensée, d'un même accord, par un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, le guide de Dieu, qui nous conduira dans toute la vérité. Vous ne voyez pas que par là, vous parviendrez à l'unité de la foi? Étant travaillé, dit dedans chacun, par le même Saint-Esprit. Chaque âme sera conduite à la vérité, à la lumière. Et à la fin du tunnel. Au bout du tunnel. Vous aurez tous la même foi. Venant d'un même esprit. L'esprit de Dieu qui a façonné vos cœurs. C'est facile. Pété. Et moi, je dois louer Dieu pour ça. Pour sa bienveillance et ses dispositions pratiques. C'est exact. Mais vous devez suivre votre guide. Oui, oui. Suivez votre guide. Et le Saint-Esprit. Allez dans la direction de son programme, de son plan. Dieu veut réunir dans un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Maintenant, vous qui avez la bonne doctrine, vous comptez des années et des décennies. Vous allez sans recevoir le Saint-Esprit. Quand est-ce que vous entrerez dans l'unité de la foi? Malgré votre bonne doctrine. Mais on trouve des histoires dans les assemblées. Des gens qui font des histoires. Année après année. Mais c'est pitoyable simplement. Le problème, ce n'est pas la doctrine. C'est l'état de votre cœur. Motema mabe na incrédule, hein? Et kombo takaka lifelo. Amen. Okokou, mais la bamboule, la bamboule, la bonne doctrine, hein? Chantant la bonne doctrine, vantant la bonne doctrine, oui, ils sont peur de mère mauvaise. La Bible dit que les infidèles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais savez-vous pas ça? des infidèles. Bazang Bosembo. L'enseignement de la parole est là, mais vous faites toujours le contraire des choses. Malaki Chalilo Benzaliwana, Kassio Zalou. Au lieu de suivre la voix que la parole trace, nous sommes là. Là, ça ne va pas. Voyez, dans les comportements humains, il y a beaucoup de vices. Je vais lire dans l'exposé de cette église. Et on voit même les prédicateurs qui devaient être des modèles, mais eux-mêmes devenir défaillants. Et on lit en langage humain, les enfants de Dieu se demandent à quel sens se vouer. C'est triste. Frère Branham dit, ah non, il y a une question ici. Pasteur, un frère ou une sœur peut se marier avec une personne qui est dans la fausse doctrine, avec un bon cœur? Non. Merci pour la question. Non, parce que la parole dit, ne concluez jamais un mariage mixte. N'épousez pas quelqu'un qui ne croit pas exactement ce que vous croyez. Amen. La parole le dit comme ça et nous le gardons comme ça. Et c'est ça la bonne voie dans laquelle nous devons demeurer. Mais ne dites pas, négligez pas comme ceci. Ah voilà, comme c'est comme ça, nous parviendrons à l'unité. Donc, un jour, Dieu sait. Nous sommes en train de se faire un malam, nous sommes en train de se faire un malam, nous sommes en train. Non, ce n'est pas comme ça. Avant de conclure le mariage, vous devez avoir la même foi. Ok.